Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Léon Major, un héros de guerre oublié. La prise de Zwolle, ville d'une cinquantaine de mille habitants, a été l'œuvre du caporal Léon Major de Montréal et d'un de ses camarades. Tireur expert, bien qu'il soit privé de la vue d'un œil, Major avait été détaché pour effectuer une patrouille aux abords de la ville. Le camarade de Major atteint juste au-dessus du cœur s'affaissa, mais avant de mourir, il réussit tout de même à décharger deux magasins de sa braine pour abattre au moins l'un de ses assaillants, tandis que Major lui-même réglait le compte du deuxième. Tout seul, Major continua sa patrouille. Presque toute la nuit jusqu'au petit jour, il fit la reconnaissance des lieux pour se convaincre qu'il ne restait plus d'autres ennemis à Zwolle. Le 23 avril 1945, Marcel Ouimet raconte dans cette correspondance de guerre l'exploit que va réaliser Léon Major quelques jours auparavant. La libération de Zwolle aux Pays-Bas par Léon Major le 13 avril 1945 reste son principal fait d'armes durant la Seconde Guerre mondiale. Mais son courage et sa bravoure ne se limitent pas à cette seule opération. Léon Major va se distinguer à d'autres occasions durant la guerre de 39-45, en plus de se démarquer durant la guerre de Corée. On se rend compte au bon endroit. Oui, c'est effectivement une avenue particulièrement importante parce que c'est l'avenue Léon Major, oui, qui a été inaugurée en 2009. Cet endroit est particulier parce que c'est par ici que Léon Major, pendant sa mission d'éclaireur, est pénétré dans la ville de Zwolle. Donc, là, c'est ça par ici été... qu'il est entré. Par hasard qu'on a choisi cet endroit-là. C'est pas par hasard qu'on a choisi cet endroit-là. Ouais. Ou peut-être par hasard, mais c'est un hasard tout à fait significatif. Ouais, alors, ouais, un hasard emblématique. Ouais. Et après, une fois que les Allemands étaient partis comme des voleurs, à la suite justement de la mission de Léon Major, les troupes canadiennes elles sont entrées dans la ville par cette avenue-là. Qui s'appelle la Webstreker Allee. Et ça a été assez impressionnant, enfin, tous les chars d'assaut, enfin, les camions, enfin, les bidasses qui marchaient. Donc, c'est un endroit où l'on sent encore l'histoire. Extrait du documentaire « Léon Major, le fantôme borgne » réalisé par Bruno Desrosiers en 2018. Vous y entendiez Paul Gillings, le poète de la ville de Zwolle aux Pays-Bas, raconter à Alain Stanké la libération de sa ville par Léon Major en avril 1945. Pour nous présenter ce héros de guerre oublié qu'est Léon Major, je reçois l'historien militaire Luc Lépine qui vient de publier le livre « Léon Major, un héros résilient ». Luc Lépine, bonjour. Oui, bonjour. Vous venez de publier donc une biographie consacrée à Léon Major. Votre biographie, Luc Lépine, s'intitule « Léon Major, le héros résilient ». Pourquoi le héros résilient? Pourquoi ce titre-là? Je parle du héros résilient parce que c'est un héros qui a eu des moments très difficiles durant la guerre. Il a été blessé à plusieurs occasions. Et au lieu de revenir à la maison, il a décidé de continuer la guerre. Quelqu'un qui perd un œil sur le champ de bataille, mais qui retourne un mois après, ouais, être capable de continuer à soutenir ses alliés, continuer à aider ses compagnons. C'est quelqu'un qui a un sens du devoir très poussé. Ouais. Et en même temps, c'est quelqu'un qu'on se dit, est-ce que quelqu'un peut faire ça? Quelqu'un qui est blessé, perd un œil, libère une ville à lui seul, est blessé, trois vertèbres de brisé, deux chevilles et qui passe... deux semaines à l'hôpital et trois semaines après, libère une ville à lui seul. Ouais. Donc, résilient devant l'épreuve quand il est en situation de combat. Résilient probablement aussi à son retour de la guerre parce que c'est effectivement un héros un peu oublié, Léon Major. Donc, il devra vivre ça, cet oubli-là, dans la résilience aussi. Dans la résilience. Et on le voit, il revient de la Deuxième Guerre mondiale. Entre les deux guerres, il se cherche. Parce que c'est un homme qui vit d'adrénaline, oui, au combat. Que fait un militaire qui est habitué de vivre à l'adrénaline? Au quotidien, c'est difficile. C'est pour ça que quand on le rappelle pour la guerre de Corée, il accepte, oui, immédiatement. Et qu'est-ce qui fait, de fait, qu'on l'a, compte tenu des exploits, puis on va les présenter, ces exploits, dans les minutes qui viennent, qu'est-ce qui fait, Luc Lépine, qu'on l'a oublié, ce grand héros de guerre? Il y a deux raisons principales, et même trois. D'une part, au Québec, on a un sentiment anti-militaire. On parle plus de la lutte contre la conscription que nos héros militaires. D'autre part, Léo n'est pas le héros idéal sur un cheval blanc. C'est quelqu'un qui avait des conflits avec ses officiers, qui pouvait prendre un verre, qui, à la limite, même courait les femmes. Et d'un autre côté, Léo ne s'est pas mis de l'avant parce qu'il gardait ça secret pour lui. Ouais. Quand il sortait avec sa fiancée, qui va devenir sa femme, elle lui avait dit « Des histoires de guerre, j'en ai tellement entendu, je ne veux plus en entendre parler. » Et c'est seulement en 1970 que sa femme a appris que Léo était vraiment un héros de guerre. Oui. Et c'est important, mais petite parenthèse, vous le disiez, pour l'institution, en fait, l'armée canadienne a un petit peu participé au fait qu'on oublie Léo Major parce que c'était, entre guillemets, quand on voit ça d'un point de vue hiérarchique, c'était un... J'allais dire un mauvais soldat, en tout cas, en même temps qu'il faisait des exploits formidables, quelqu'un de désobéissant. De désobéissant, j'irais dans le terme une tête brûlée. Ouais. Que vous avez quelqu'un qui va faire la job, qui va faire la mission, mais sur le champ de parade, c'est pas nécessairement le meilleur soldat. Et pour prendre les ordres correctement, il préfère voir l'action comment lui le voit. Ouais. Il faut voir aussi que... C'est l'armée canadienne qui va le libérer en 1953. C'est pas lui qui va demander d'être libéré. Donc... Ouais. On va parler un petit peu de ses origines, parce qu'il y a des choses... Cette insubordination, entre autres, ça arrive très, très tôt là, chez le jeune, chez le gamin Léo Major. Il naît aux États-Unis, il naît au Massachusetts en 1921, d'une mère et d'un père québécois. Il revient, cela dit, toute la famille revient très vite s'installer à Montréal. C'est là où grandit Léo. À l'été de 1940, ça commence pour lui. Il décide de s'engager dans l'armée. Il a 19 ans à ce moment-là. Pourquoi Luc Lépine décide-t-il de se joindre à l'armée? 1940, c'est la fin de la crise économique. Les emplois sont très limités. Léo a des problèmes d'autorité avec son père. Il a comme la vision du père. Son père était méchant contre lui. Il le traitait un peu de vaurien. Ouais. Donc, Léo essayait de lutter contre ça. Il a quitté la maison très tôt. Il a pris des cours de boxe. Mais en même temps, Léo avait un petit côté rebelle et il aimait prendre un verre à l'occasion. Et un de ses fils m'a dit qu'il était barré de tous les dépôts d'alcool de la région. Donc, c'était un peu quelqu'un de difficile. Et en 1940, la conscription s'annonçait. Il savait que dans quelques mois, tous les francophones et les Canadiens allaient être conscrits entre 19 et 25 ans. Donc, Léo s'est mis de l'avant. Plutôt que gagner 6 sous de l'heure, en s'enrôlant, gagner 1,25 $. Ouais. Donc, il voyait une option pour lui. On le retrouve, Léo Major, donc, dans l'action, dans un premier épisode important qui se situe lors du débarquement des forces alliées sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. Et déjà, à ce moment-là, Luc Lépine, il se fait remarquer. De quelle manière il se distingue lors du jour du débarquement le 6 juin 1944? Il débarque avec les bateaux de débarquement. Il descend sur la plage. Et là, les Allemands occupent déjà des bunkers et ils clouent une partie de sa section sur la plage. Les Canadiens ne peuvent pas avancer. Léo, à ce moment-là, prend une torpille Bangalore, est capable de la viser directement sur le bunker et de faire exploser le bunker. À ce moment-là, Léo force la porte et capture 6 soldats allemands. Et à ce moment-là, pour Léo, un soldat allemand qui tire sur lui, c'est une cible honorable. Ouais. Mais un coup qu'il est désarmé, ce n'est qu'un prisonnier de guerre. Ouais. À ce moment-là, il y a un soldat canadien-anglais qui pointe un des prisonniers de Léo et il veut l'assassiner. Léo lui dit non. Ça, c'est un prisonnier de guerre. Nous, on fait des prisonniers. On les garde. Si tu veux tuer des Allemands, va en chercher d'autres. Et là, il y a une légère altercation avec un soldat canadien-anglais. Ouais. Donc, dès le débarquement, là, ça, déjà, on voit, encore une fois, la force de caractère de Léo Major avec cette altercation avec son collègue. Puis cette question d'éthique, ça va le poursuivre toute sa vie parce que c'est un tireur d'élite. Il va tuer, évidemment, beaucoup d'Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, mais toujours, il aura cette préoccupation. Oui, il y a toujours cette préoccupation parce qu'il reçoit un ordre. Parce que si... tue un Allemand, c'est que cet Allemand-là pouvait tuer de ses collègues. Oui. À quelques occasions, son commandant lui dit « Il y a 2 Allemands qui sont plus loin. Léo les tire, ils sont peut-être à 200 mètres. » Il s'approche, il s'aperçoit que c'est des jeunes garçons de 14-15 ans. À ce moment-là, il se sent mal à l'aise. Et il s'aperçoit que son commandant compte chaque fois qu'il tuait un Allemand. À un moment donné, dans le calepin, il y avait une centaine d'Allemands qui avaient été tués. À ce moment-là, Léo décide de uniquement tirer sur des SS ou de blesser ceux qui sont là pour les rendre inefficace ouais. sur le champ de bataille. Ouais. Tu sais, quand c'est une menace, mais pas gratuitement. Et, bon, avec les SS, cela dit, eux, ont un traitement particulier. Un traitement particulier. deux semaines après le débarquement, déjà, il y a eu un premier fait d'armes dont on a parlé du côté de Léo Major. Il est blessé. Vous l'évoquez, il va perdre un œil assez vite durant la guerre. Dans quelles circonstances il perd, entre guillemets, son œil gauche? C'est tout près de l'aéroport de Carpiquet. Léo faisait une patrouille et à un moment donné, il y a quatre Allemands qui l'attaquent. Léo est capable d'éliminer trois des Allemands, mais le quatrième est capable de lui lancer une grenade incendiaire qui explose tout près de Léo. Léo a une partie du visage brûlée et un œil qui le rend complètement aveugle. Même les deux yeux deviennent aveugles, mais un de ses yeux ne reviendra jamais à la normale. À ce moment-là, on l'amène à l'infirmerie. On lui dit, jeune homme, la guerre est finie. On te ramène en Angleterre et on te retourne au Canada. Ouais. Léo dit, non, moi, je suis un tireur d'élite. On a besoin de moi. Donc, ils prennent Léo, ils l'envoient en Angleterre. Un mois de temps à l'hôpital, le temps de panser ses plaies. Et il revient avec un œil de pirate, c'est-à-dire qu'il y a une patch sur l'œil gauche. Et avec l'œil droit, il est capable de continuer à être tireur d'élite. Mais dans son habitude, Léo déserte une semaine, tout de suite en sortant de l'hôpital. Et deux fois, mais ça c'est la contradiction du personnage, il va passer son temps à déserter en même temps qu'il va deux fois refuser de rentrer au pays et dire non, je suis là pour me battre et je retourne au combat, entre autres après cette blessure à son œil gauche. Fin octobre 44, il réussit à capturer plus de 90, c'est 93? On parle de 93. 93 soldats allemands aux Pays-Bas. Comment réussit-il son coup? C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Son commandant vient le voir, il dit... Il y a 50 zombies qui sont disparus. Un zombie, on parle, c'est des jeunes soldats qui sont arrivés, peu d'expérience, qui étaient envoyés en patrouille, qui sont disparus dans la nature. Le commandant demande à Léo, « Va donc voir où ils sont, essaye de les ramener. » Et là, il s'aperçoit qu'ils étaient capturés par des Allemands tout près d'un canal. Et Léo décide de traverser le canal à la nage et d'attaquer l'endroit. Et là, et ça, c'est la nuit. Donc, il capture un premier Allemand, lui met l'arme sur la tente, et il dit « Va réveiller les autres, un après l'autre. » Il faut savoir que sur les 93 Allemands, c'était une unité de santé. C'était des soldats qui souffraient de l'estomac, qui étaient en convalescence, mais qui montaient la garde sur le canal. Donc, en prenant l'officier en avant, et il a ordonné à l'officier de demander à tous les hommes de se rendre. Ouais. Et ça, c'était... Une chose que je voulais vérifier, est-ce que Léo exagère? Est-ce que c'est possible de capturer 93 hommes? J'ai étudié le journal du régiment pendant 3 ans. Et à chaque jour, on avait le nombre de prisonniers. Ça variait de 3, 4, 5, 25. Il y a une seule journée où on parle de 122 prisonniers et il y en a 93 qui sont attribués à Léo. Incroyable. Le plus connu, donc ça c'est déjà un exploit formidable, et on arrive à son exploit le plus connu, celui dont on parlait au tout début de l'émission, l'épisode où Léo Major, seul, en fait ils partent à deux, mais c'est lui qui seul va réussir à libérer la ville de Zwolle aux Pays-Bas le 13 avril 45. On écoute Léo Major en parler à Louis Lemieux à l'occasion d'une cérémonie de reconnaissance en son honneur à Zwolle, justement, le 5 mai 1995. Dites-moi pourquoi les gens ici vous aiment tant. D'abord, tout le monde vous connaît sous Léo, parce que je suis le libérateur de Lorraine. Vous l'avez libéré presque toute seule, cette ville ici. Racontez-moi ça. Toute seule. Comment ça s'est passé? Bien, j'ai voulu... quand mon ami s'est fait tuer, j'ai dit, avant de me faire tuer, mon tour, j'ai dû m'en tuer le plus possible. Fait que j'ai vengé mon ami en tuant les Allemands qui l'avaient tué. Puis j'ai mis la balance en panique. Je suis reparti en véhicule vers la ville. Ils m'ont fait sauter le pont. J'ai traversé le pont. J'avais 13 grenades avec moi, 13-14 grenades, puis une vingtaine de magasins que je voulais me servir. Je suis venu de servir. Quand j'ai fini, il ne me restait plus de grenades, puis il ne me restait plus de munitions. Puis la ville était libérée. Complètement libérée. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe exactement à Zwolle le 13 avril 45, Luc Lépine? Évidemment, Léo a toujours tendance à modifier les ordres. Les Canadiens allaient attaquer la ville de Zwolle, où il y avait encore un régiment allemand qui était présent, et beaucoup d'armes. Et là, Léo savait que si la ville n'était pas évacuée, elle serait bombardée. Et qu'il pourrait y avoir une dizaine de milliers de personnes qui pourraient être tuées. Donc, l'ordre de Léo, c'était d'approcher la ville, surveiller et prendre contact avec la résistance à l'intérieur de la ville. Léo part avec son ami Willy Arsenault. Ils approchent de la ville. Et tout près de la ville, Willy échappe une grenade par terre qui fait du bruit. Les Allemands ouvrent le feu sur Willy et le tuent immédiatement. Léo prend sa mitraillette et est capable de tuer les Allemands qui ont tué son ami Willy. Et là, Léo décide, moi, je vais continuer la mission. Je vais continuer la mission. Donc, Léo ramasse toutes les grenades. Quand il parle de 15 grenades, c'est vrai, il y avait 6 grenades à lui, celle de Willy, 2 mitraillettes, une vingtaine de magazines. Donc, il rentre en ville et commence à circuler. Et à un moment donné, il est épuisé. Il décide de rentrer dans une maison. Il défonce une porte. Il rentre dans la maison. Imaginez là, un militaire, tout camouflé, un œil de pirate dessus. Les gens avaient peur. Là, il monte sa badge Canada. Ah, oh, ça les calme un peu. Il circule en ville et voit le bureau de la Gestapo. Il fait sauter le bureau de la Gestapo, tue des hommes. Il continue un peu plus loin et là, il capture le colonel en charge de la troupe allemande. Léo lui demande, est-ce que vous parlez hollandais? Le gars dit non. Est-ce que vous parlez anglais? Non. Est-ce que vous parlez français? Et l'officier lui dit, bien sûr, je suis alsacien. Fait que là, Léo lui explique. Les Canadiens s'en viennent. Vous devez faire évacuer la ville. Léo prend une arme, le met sur la tempe de l'officier allemand, prend un jeep et il se promène dans la ville en lançant des grenades et en demandant à l'officier de dire aux hommes, quittez la ville. Imaginez, Zwolle, c'est un peu comme Québec. C'est une ville fortifiée. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs portes. Donc, les Allemands qui ont reçu l'ordre, ont quitté la ville par une des portes. Donc, toute la nuit, Léo fait sauter des grenades, tue des Allemands et au petit matin, prend contact avec les résistances et envoie un message à son commandant. La ville de Zwolle est libérée. En fait, c'est génial ce qu'il fait parce qu'il est effectivement tout seul. Quand vous disiez au tout début de l'émission, quand on regarde un petit peu l'histoire de Léo Major, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est de la légende ou si c'est vrai? Et là, c'est un bon épisode. C'est son plus grand exploit que vous venez de nous raconter. Et ça montre qu'il a le génie, finalement, de faire croire qu'il n'est pas seul, que la ville va tomber. Exactement. Donc, le bluff a fonctionné. Oui. Il a fait croire aux Allemands que c'était le seul moyen d'évacuer la ville. Mais il faut aussi voir qu'on nous sommes en avril 1945, c'est la fin de la guerre. Oui. Et l'officier colonel allemand sait bien que lui, il n'y a pas d'avenir pour lui. Il préfère se sauver. Oui. La guerre se termine. Léo Major, vous l'avez un petit peu évoqué, revient à la vie civile après la Seconde Guerre mondiale. Il ne sait pas trop comment ça va se passer pour lui. Puis arrive la guerre de Corée. En 1950, il décide donc à nouveau de partir se battre, cette fois-là en Corée. On l'écoute. Il va gagner une médaille, d'ailleurs. C'est le seul. Il y a 3 militaires du Commonwealth qui vont, dans 2 conflits différents, dont Léo Major, remporter cette prestigieuse médaille de reconnaissance. Il va en gagner une en Corée. Pour nous raconter un peu comment se passe son expérience en Corée, on écoute Léo Major, un extrait d'entrevue qu'il a accordé dans le cadre du projet Mémoire d'Historica Canada. Ils ont avancé, on montait sa montagne, on mettait du fil de blé tout le tour de la montagne, creusait les tranchées tout le tour de la montagne, puis on attendait. Le soir, vers 10 heures, on allait faire une randonnée en avant de la montagne pour voir s'il n'y avait pas personne. On aurait pu rester là 3-4 jours. Ça fait qu'après 3-4 jours, on paquetait toutes nos choses. Là, on descendait de la montagne, on montait sur une autre montagne. Puis là, la même chose se répétait. Ça a été de même à peu près pendant 6 mois, pour pas que les Chinois avancent eux autres. On arrivait, puis il y avait des maisons de paille, là, puis c'était rien que des vieux, puis les enfants. Il n'y avait pas d'hommes là. On continuait à monter sa montagne. Une journée, vers 8 heures le soir, ça a commencé à nous tomber sur la tête. Ça a duré à peu près une demi-heure. Là, on a retourné en arrière, puis là, on s'est en allé chez nous. De quelle manière, pourquoi d'abord il s'engage à nouveau dans ce conflit en Corée, puis j'allais dire de quelle manière il va se distinguer en Corée? Bien, Léo, on était allé le chercher. On était en pleine campagne de recrutement. On avait besoin de trouver le 1000e Canadien qui allait s'enrôler. On avait besoin d'un héros. Quand même, Léo était connu. Ouais. Donc, Léo devient le 1000e Canadien qui s'enrôle. Mais c'est le colonel Dextrase qui voulait quelqu'un qui était vraiment quelqu'un qui allait au but. Pas nécessairement le meilleur soldat, quelqu'un qui était hors des normes. Donc Dextrase va chercher Léo pour créer une unité d'élite qui était directement sous ses ordres. Et c'est comme ça que Léo s'est entraîné à Fort Lewis aux États-Unis et qui a formé son groupe qui s'est trouvé en Corée. Et c'est dans un épisode qui va durer, au fond, quoi, 3-4 jours? 3-4 jours, où il va s'illustrer. On parle de 72 heures sur la bataille de la colline 355, qui était une colline assez élevée en Corée, que Léo était capable de capturer la colline et la maintenir. Il y avait 25 Canadiens, 75 Coréens, et ils ont été capables de tenir tête à environ 3000 Chinois pendant 72 heures. Pour assurer, donc, la... Pour assurer. Ouais. Et il faut voir ce qui était particulier, c'est que Léo était rendu en haut de la montagne, et pour repousser les Chinois, il fallait que les obusiers envoient directement les bombes sur les Chinois. Fait que Léo est en contact avec Charlie Forbes, qui dirigeait les obus, et là, il disait à Charlie, « OK, là, tes bombes sont à 30 mètres de moi. Rapproche-les. Rapproche-les à 25 mètres. Rapproche-les à 10 mètres. » Donc, il recevait presque les bombes directement sur lui. Pendant ce temps-là, les Chinois n'étaient pas capables d'avancer. Vous avez parlé, Luc Lépine, à des gens qui ont combattu aux côtés de Léo Major. Quel genre de compagnons d'armes c'était? J'ai eu la chance de parler avec 4 de ses compagnons, des tout jeunes hommes de 85 à 90 ans, qui dit « Léo, là, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur. » Si Léo dit « on avance », tout le monde le suivait, parce que Léo était le premier en avant. Il n'était pas à l'arrière. Ouais. Il était le premier en avant. Et quand il y avait quelque chose à faire, Léo était là. Léo pensait à ses hommes avant tout. Il avait toujours l'idée de protéger ses hommes tout en allant à l'action. Donc une confiance. Une confiance. On le suivait. On le suivait. Ouais. Le leader né. Pas besoin d'être un officier, c'était le leader né. Ouais. Qu'est-ce qu'il va devenir, Léo Major, après ses 2 participations à la Seconde Guerre mondiale, mais ensuite à la guerre de Corée? Qu'est-ce qu'il vient après la guerre de Corée? Après la guerre de Corée, Léo essaye de continuer de travailler pour les Forces armées canadiennes. Mais c'est difficile. Quand vous êtes habitué à vivre sur l'adrénaline, à vous faire tirer dessus, et là, vous revenez chez vous, à Montréal ou à Ottawa, vous faites de la parade, vous faites de la drill militaire. Et le plus excitant, c'est peut-être d'avoir passé 3 heures sur le terrain de parade. C'est pas très motivant. Ouais. Léo va compenser un peu. Il va devenir parachutiste. À 30 ans, il va devenir parachutiste. C'est à la limite de l'âge acceptable. Mais vous vous présentez, vous avez déjà 2 DCM, vous êtes un héros de guerre. Comment vous refusez le droit d'être parachutiste? Luc Lépine, c'était passionnant de vous entendre, historien militaire, auteur de la biographie Léo Major, un héros résilient. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Ça fait un plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.